Satire des intellectuels de gauche est omniprésente dans les écrits d'Orwell. Âpre, mordante, sans concession et de son aveu même, délibérément brutale, elle foisonne de railleries assassines et d'accusations graves. Elle gêne beaucoup de commentateurs qui s'efforcent de la réduire à une obsession personnelle manifestement excessive. Quand elle les embarrasse trop, ils la disqualifient d'un revers de main comme incohérence et péché contre l'esprit. Orwell a encouragé une hostilité discriminée contre les intellectuels en tant que tels et il est donc assurément coupable de la plus détestable et de la moins défendable des contradictions, l'anti-intellectualisme de l'intellectuel. I got caught on a high. À quelle heure avez-vous reçu le message radio suivant concernant Chamberlain ? À 10h42. J'étais en route pour revenir à Chamberlain avec un suspect à l'arrière de la voiture, un chauffeur en état d'ivresse. Comme je l'ai déjà dit, l'affaire relevait de la responsabilité de Mel Krager, mais il n'y avait pas de prison à Durham. Quand je suis arrivé à Chamberlain, il ne restait plus grand-chose de la nôtre. Quelle communication avez-vous reçue à 10h42 ? J'ai reçu un appel de la police d'État qui avait été alertée par les pompiers de Motown. Le dispatcher de la police d'État a précisé qu'il y avait un incendie et apparemment un début d'émeute à l'école d'Ewen et qu'il y avait dû se produire une explosion. Personne n'était encore sûr de rien à ce moment-là. Souvenez-vous, tout s'est passé dans un laps de temps de 40 minutes. Oh! Comprenons parfaitement, shérif. Qu'est-il arrivé ensuite ? Je suis revenu à Chamberlain avec mon gyrophare et ma sirène en action. J'ai essayé de joindre Jake Plessy, mais sans résultat. C'est alors que j'ai reçu un appel de Tom Quillen affolé qui m'a dit que toute la ville était en feu et qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. Savez-vous l'heure qu'il était ? Oui, monsieur. J'avais commencé à consigner la succession des fêtes. Il était 10h58. Quillen a déclaré que la station à Moko avait explosé à 11h. Faisons la moyenne, monsieur. Disons qu'il était 10h59. À quelle heure êtes-vous arrivé à Chamberlain ? 11h10. Quelle a été votre première impression en entrant dans Chamberlain, shérif Doyle ? J'étais abasourdi. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. It's called Let's Keep the Flames of Hope Alive. Never let the fires die. It's a place of die. There'd be no light left in this land. Take a life for that, babe. Let's keep the flames of hope alive and never let the fires die. Take the lie of the land. Today, don't wait, don't hesitate. Get out there and join the march. Join hands, make plans and take a chance. On the right hand side of the road, above the gang of the man. Make vicious envy, his friends call Billy Whiz. Don't stay in the dark with the sharks, they'll rip you out, they're gonna tear you apart. Let's keep the faith Qu'avez-vous vu exactement ? Toute la moitié nord de la ville, avec le quartier des affaires, était en feu. La station Amoco avait disparu. Les magasins Woolworths n'étaient plus qu'un brasier. L'incendie s'était propagé aux trois boutiques de bois qui lui faisaient suite. Le bar Grillroom Duffy, le comptoir Kelly et l'académie de billard. La chaleur était terrifiante. Des gerbes d'étincelles volaient au-dessus des toits de l'agence immobilière Maitland et des stands de vente automobile de Doug Brown. J'ai vu arriver plusieurs voitures de pompiers, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Toutes les bandes d'incendie le long de la rue avaient sauté. Il n'y a guère que deux vieilles autopompes de Westover montées par des volontaires qui ont pu intervenir et encore, ils arrivaient tout juste à arroser les toits des bâtiments avoisinants. Et, naturellement, le collège, il était tout simplement volatilisé. Bien sûr, la construction est assez isolée, le feu ne pouvait se communiquer à rien aux environs. Mais mon Dieu, tous ces jeunes enfermés à l'intérieur, tous ces jeunes. Yeah. find it easy, ache it to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sit down with you care. Avez-vous rencontré Susan Snell en entrant dans la ville ? Oui, monsieur, elle m'a fait signe d'arrêter. Quelle heure était-il ? À l'instant que j'arrivais, 11h12 au plus. Que vous a-t-elle dit ? Elle était sens dessus-dessous. Elle venait d'avoir un léger accident de voiture, un dérapage, et tenait des propos incohérents. Elle m'a demandé si Tommy était mort. Je lui ai demandé qui était Tommy, mais elle ne m'a pas répondu. Elle m'a seulement demandé si nous avions arrêté Carrie. La commission s'intéresse tout particulièrement à cette partie de votre déposition, shérif Doyle. Oui, monsieur, je sais. Quelle a été votre réponse à sa question ? Eh bien, il n'existait à ma connaissance qu'une Carrie en ville, la fille de Margaret White. Je lui ai demandé si Carrie avait quelque chose à voir avec ces incendies. Miss Nell m'a déclaré que c'était Carrie qui a mis le feu. Voilà ses propres mots. C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Elle l'a répété deux fois. Vous a-t-elle dit autre chose ? Oui, monsieur. Elle a ajouté, ils ont fait souffrir Carrie pour la dernière fois. Mon petit bout. Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Cr Shérif, êtes-vous sûr qu'elle n'a pas dit « Nous avons fait souffrir Carrie pour la dernière fois » ? J'en suis tout à fait certain. Vous êtes formel, à 100%. Monsieur, la ville brûlait tout autour de nous, je... Avait-elle bu ? Je vous demande pardon. Avait-elle bu ? Vous venez de dire qu'elle avait eu un accident de voiture. Je crois avoir dit un accident léger consécutif à un dérapage. Et vous ne pouvez pas affirmer avec certitude qu'elle n'a pas dit « Nous » au lieu de « Il » ? Peut-être l'a-t-elle dit, mais... Qu'a fait alors Miss Nell ? Elle s'est mise à sangloter. Je l'ai giflée. Pourquoi avez-vous fait cela ? Elle paraissait prise d'hystérie. S'est-elle calmée ? Oui, monsieur. Elle s'est calmée et a retrouvé assez vite son sang-froid, surtout si l'on songe que son amie venait vraisemblablement de mourir. Yeah. L'avez-vous questionné ? Eh bien, pas comme on questionne un criminel, si c'est là ce que vous voulez dire. Je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur ce qui s'était passé. Elle m'a répété ce qu'elle m'avait déjà dit, mais de façon moins exaltée. Je lui ai demandé où elle se trouvait quand le drame s'est déclenché et elle m'a répondu qu'elle était chez elle. L'avez-vous interrogé depuis ? Non, monsieur. Elle ne vous a rien dit d'autre ? Si, monsieur. Elle m'a demandé, enfin, m'a supplié de retrouver Carrie White. Quelle a été votre réaction ? Je lui ai conseillé de rentrer chez elle. Merci, shérif Doyle. Souvine. Stehen. Da, da sind wir. Räume. Technik, die aber... Thank you. Vic Mooney surgit de l'ombre près du parking de l'immeuble de la Bankers Trust avec un sourire figé sur le visage. Un large sourire grimaçant, le sourire du chat de Cheshire flottant dans l'obscurité rougeoyante comme le vestige d'un moment de démence. Ses cheveux soigneusement plaqués pour son rôle de présentateur se dressaient, englués et hirsutes. Des gouttelettes de sang lui ponctuaient le front. Au cours de sa fuite éperdue, il était tombé sans même s'en apercevoir. Un œil tuméfié violet, il buta contre la voiture du shérif Doyle, rebondit contre la carrosserie comme une balle de billard et considéra à l'intérieur du véhicule l'ivrogne qui somnolait sur la banquette arrière. Puis il se tourna vers Doyle qui venait d'en terminer avec Sue Snell. L'incendie projetait au alentour de mouvants reflets lumineux revêtant toute chose d'une teinte sinistre de sang séché. been making me laugh, Jack. Now turn it off. Play this. I'm black and proud, and I don't care. Put the fence in your underwear. And you sing, and I play with it. Did it again. But too bad. This is the one that counts, man. Okay. I'm black and proud. Wait a minute. How'd that go again? Oh, yeah. Master Baron in the cold, cold ground, but I don't care. I'm black and proud. Got crack on my left ear, women do cry. I'm smoking on her tomorrow night. I got the money, I got the drugs. I got big fat fucking thugs. Coming up your ass, coming up your house. Come over there, you look like a mouse. I'm a nigga, I know I'm bad. I don't give a damn if you're in the clan. You the ass, your sister white ass. Put a pig mask in your face. This is dedicated to all you truck drivers out there that are grandpas. Some of you might be past your 50s, maybe 60s, some might be 70s. But I'll guarantee you, a lot of you are already a grandpa. And I just wonder, what are they going to say? What's going to be said about you when your time comes? God forsake me. Comme Doyle se détournait, Vic Mooney l'étreignit. Il l'étreignit comme un cutéreux enamouré aurait pu étreindre sa cavalière pour danser la polka. Il étreignit Doyle des deux bras et le serra tout en roulant des yeux, le même rictus crispé sur les lèvres. « Vic !» commença Doyle. « Elle a arraché tous les fils électriques, » dit Vic la voix cassée. « Elle a arraché tous les fils et tout inondé, ensuite bzzz. Vic. On ne peut pas les laisser comme ça. Oh non, non, non, non, c'est pas possible. Carrie a arraché tous les fils. Ronda Simard a brûlé. Oh non !» Doyle lui administra deux gifles, sa paume calleuse claquant avec un bruit mat sur le visage du jeune garçon. Son cri s'interrompit avec une soudaineté brutale, mais son rire grimaçant n'en fut en rien modifié. C'était une vision paradoxale, effrayante. Thank you. Let me ask you the question. I'm very sorry. Let me ask you the question. Can I just give the explanation? What explanation? I haven't asked you the question yet. But I want to give the answer. Qu'est-ce qui est arrivé ? Demanda Doyle durement. Qu'est-ce qui est arrivé à l'école ? Carrie, murmura V. Carrie est arrivée à l'école, elle. Il laissa sa phrase en suspens et baissa les yeux vers le sol. Doyle lui expédia 3 sèches bourrades. Les dents de Vic faisaient un bruit de castagnette. Alors, cette Carrie ? La reine de la soirée, marmonna V. Ils ont renversé du sang sur elle et sur Tommy. Quoi ? Il était 11h15, la station Sidgo de Tony dans Summer Street explosa avec une sorte d'énorme rugissement. La rue s'illumina avec une telle violence qu'ils trébuchèrent en arrière contre la voiture de police en se couvrant les yeux de la main. Un immense champignon d'essence enflammé s'épanouit au-dessus des ormes de Courthouse empourprant l'étang des canards et le terrain d'entraînement de baseball. Thank you. Dans les ronflements et les crépitements du feu, Doyle perçut les bruits d'éclats de verre, de débris de ciment qui retombaient au sol. Une deuxième explosion retentit qui leur fit rentrer la tête dans les épaules. Doyle ne parvenait pas à concevoir l'ampleur du désastre qui s'abattit sur Chamberlain. Chamberlain, nom de Dieu, où il buvait du thé glacé sur la galerie de la maison de sa mère, où il arbitrait des matchs de basket et faisait sa dernière ronde automobile sur la route numéro 6, au-delà du Cavalier, avant de rentrer se coucher à 2h30 du matin. Sa ville ravagée par l'incendie. Thank you. 18 novembre 2013, le mot « selfie » a été élu mot de l'année 2013 par les auteurs du dictionnaire d'Oxford, après avoir fait son entrée dans ses pages en août dernier. L'encouragement à se focaliser sur soi, égocentrisme montant, la narcisse communication, une revue des articles français et anglo-saxons sur le sujet, traduit une préoccupation qui rappelle les diatribes suscitées par les tout premiers portraits photographiques, accusés dès leur premier balbutiement de nourrir le narcissisme contemporain. Y a-t-il vraiment lieu de croire que les autoportraits numériques favorisent les dispositions à l'amour de soi immodéré, surtout chez les jeunes qui en sont particulièrement friands ? Thank you. Thank you. الاحتجاب المقعد امامي. الرجاء ربط احزمه المقاعد والامتناع عن التدخين اثناء الاطلاع. شكرا. Il faut bien reconnaître que la forme du néologisme elle-même apporte de l'eau au moulin. Ce diminutif de self-portrait, qui escamote la mention du genre esthétique et dont ne subsiste que le self, semble désigner l'essence même du soi, assorti qui plus est d'un suffixe de familiarité. Volonté employée au pluriel, le mot lui-même induit la représentation d'une société individualiste ou plus des selfs en attente de reconnaissance. Le selfie, ce serait ce moi tout court qui se mire ad nauseam dans les nombreux miroirs tendus par les réseaux sociaux. I'm gonna make it. Rappelons qu'un portrait de soi devait jadis être commandité à un peintre, la réalisation d'un autoportrait étant le privilège des artistes. Alors qu'il était préalablement réservé à une caste aristocratique ou à une élite bourgeoise, le portrait de soi se démocratise avec la photographie à la faveur du raccourcissement progressif des temps de pose. L'autoportrait photographique est alors rendu possible par le truchement d'un miroir et plus tard par la technique du retardateur. Les photomatons, où le geste de la prise de vue accompagne la contemplation de son reflet, sont emblématiques d'un autre moment clé de cette histoire. La photo dite d'identité fixe les normes de représentation du moi social. Plus tard encore apparaissent les blogs, les pages MySpace et avec eux une injonction à l'autoportrait numérique qui deviendra la règle du jeu édictée par les réseaux sociaux. De Facebook, livre des visages à Twitter, ne pas remplir la case photographique du profil revient à laisser place à une icône fantôme qui tiendra lieu de portrait. Enfin, dernière étape technique dans cette évolution du portrait de soi, tandis que les smartphones connectés à Internet ont permis de publier en ligne une photo dans la foulée de sa prise, les innovations de la web caméra sur ordinateur et de la caméra avant sur mobile ont délivré les autoportraits numériques des miroirs. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des personnes vérifier leur maquillage ou leur coiffure en se servant de la caméra avant de leur mobile. Soul is Le mouvement que dessine cette histoire retracée à gros traits est celui d'une banalisation de la pratique de l'autoportrait, comparable à la généralisation des pratiques d'écriture favorisées par la fonctionnalité des SMS. Faire un portrait de soi est désormais une pratique ordinaire à la portée de tous les possesseurs de téléphones mobiles ou d'ordinateurs dotés d'une caméra. Love with someone else. smaller picture's the same as the bigger picture, you know that you're fucked. When you're trading paper cuts for splinters, you're out of luck. Like sharks don't sleep and I don't take my eyes off of you. The architecture shit and my cheeks are already embruised. And it hits as hard as a blow to the head, or a smack to the scuff, or a knee to your chest. And sweet dreams, sweet cheeks, oh tomorrow, oh tomorrow, oh tomorrow. Spilling over. I've been building some legs, but it's lacking some character. Burning five-story buildings, laying manchots at the fire exits. We're playing with feedback and the tannoy systems. You look desperate, you look pathetic. And it hits as hard as a blow to the head, or a smash to the scalp, or a knee to your chest. It hits as hard as a blow to the head, or a smash to the scalp. Rappelons d'abord, à la suite d'Adeline Vrona, auteur d'un essai magistral sur le portrait, que le portrait de soi numérique est d'abord une façon de jouer à minima le jeu des réseaux sociaux. La structure même d'un site comme Facebook veut qu'on y échange non seulement des messages comme par mail, mais aussi des représentations imagées de soi et des autres. Faire d'un portrait de soi sa photo de profil, loin d'être un geste auto-centré, est une façon d'entrer dans les rangs et de s'affilier à une communauté. Comme le remarque encore Adeline Vrona, une fois devenu l'ami de quelqu'un ou son follower, son portrait s'agrège au mien et vice-versa, dans les fils ou les mosaïques d'images prévues par les différents sites. Je me suis tourné vers Georgette et j'ai dit « La voilà ». Georgette a répondu « Oui, c'est elle ». Elle a voulu ajouter quelque chose, puis toute la rue s'est illuminée d'une lueur énorme. Nous avons entendu des espèces de craquements, puis les lignes électriques ont commencé à tomber dans la rue en lançant des gerbes d'étincelles. L'une a touché un homme devant nous et il s'est enflammé comme une torche. Un autre s'est mis à courir, il a marché sur un fil et son corps s'est arqué, comme s'il avait eu un dos en caoutchouc. Et il est tombé. Il y en avait d'autres qui hurlaient, qui couraient comme des fous et les lignes électriques continuaient à se décrocher. Elles se tordaient par terre comme des serpents. Et elle, Carrie, elle était heureuse, heureuse. Stuck a pin in your backbone, spoke you down from there. All I ever wanted was to be your spine. Lost your friction and you slid for a mile. Overdone, overdrive, overlive, override. You're not the one who let me down. Thanks for offering. Je sentais qu'elle était heureuse. Je savais qu'il ne fallait surtout pas perdre mon sang-froid. Tous ceux qui couraient se faisaient électrocuter. Georgette m'a dit « Vite, Cora. Oh mon Dieu, je ne veux pas brûler vive. » Je lui ai dit « Arrête. Il faut se servir de nos cervelles, sinon on n'en aura plus jamais l'occasion. » Enfin, une bêtise de ce genre. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle m'a lâché la main et s'est mise à courir vers le trottoir. Je lui ai crié de s'arrêter. Il y avait un de ces gros câbles conducteurs coupés juste devant nous. Elle ne m'écoutait plus. Et elle, oh, j'ai senti l'odeur quand elle a commencé à brûler. La fumée paraissait monter de ses vêtements et je me suis dit, voilà ce qui doit se passer quand on électrocute quelqu'un. Vous avez déjà senti cette odeur-là ? There's a new sun rising up angry in the sky. There's a new voice crying, we're not afraid to die. We'll let the old world make believe, the blind and deaf and dumb. But nothing can change the shape of things to come. There are new signs lying ahead in every road. There's revolution ready and waiting to explode. When tomorrow is today, the bells they toll for sun. But nothing can change the shape of things to come. Future's coming clearly now, sweet and strong. But I won't be holding back for long. There are new signs rotting out old realities. Revolution sweeping alive a fresh new breeze. When tomorrow is today, the bell they toll for sun. But nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things to come. She'd shake it up. Was hard to make out, now it's plain to see. I couldn't cook to save myself, found my life a recipe. I never looked at her this way before, but now she's all I see. Allison started to happen. Allison started to happen. Allison started to happen to me. Quelquefois, elle me poursuit dans mes rêves. Je ne bougeais pas, je regardais Georgette Shears qui devenait toute noire. Il y eut une grosse explosion vers le West End, la conduite de gaz sans doute, mais je m'en suis à peine aperçu. J'ai regardé autour de moi, j'étais toute seule. Tous les autres s'étaient ou bien sauvés, ou avaient brûlé. J'ai vu peut-être 6 cadavres, ils ressemblaient à des tas de vieux chiffons. L'un des câbles était tombé sur le porche d'une maison à ma gauche et l'avait pris feu. J'entendais craquer les vieux bardeaux de bois comme des grains de maïs grillés. J'ai dû rester là un long moment à me répéter qu'il ne fallait pas s'affoler. En tout cas, ça m'a paru des heures. Et puis, j'ai eu peur de m'évanouir et de tomber sur un de ces câbles ou d'être prise de panique et de me mettre à courir aussi. À pas compter. Il faisait de plus en plus clair dans la rue avec la maison qui brûlait. J'ai enjambé 2 fils électriques et j'ai contourné un corps dont il ne restait qu'une espèce de flaque noire. Yeah. Canada. By the name of Merrill Moore. You hear him playing piano on records by Johnny Cash, Farron Young, Wanda Jackson, and many others. But it's good to hear him step up to the microphone and pound in those 88s. Here's the underappreciated Merrill Moore, and he's cooed to the wrong pigeon. I was ready, oh so ready for love. Got all the dope from Mr. Moon up above. Then I listened to the breezes whisper love and all the trees, and I learned to coo like a dove. Oh, but I cooed, cooed, cooed to the wrong pigeon. Now I'm through with love. Hey, she took me for my keyboard, my horse and my dog, a fine pair of mules and a fat china hog, a hand-painted chamber mug my folks handed down, my golden Eton Surrey with the fringe all around. I cooed, cooed, cooed to the wrong pigeon, and now I'm leaving town. Thank you. crow so eager like a bunny. I was ready, really ready for my honey. My old pappy told me how to find a gal who was true. That was good advice. Back in 92, I cooed, cooed, cooed to the wrong pigeon. Now with my love I'm through. She relieved me of my money, my clothes and my farm. Said she'd save them for us so they wouldn't come to harm. Like to know who us is and him I'd like to catch. I'd hang him like a scarecrow by the berry patch. Oh yes, I cooed, cooed, cooed to the wrong pigeon. And my heart needs a patch. Meryl Moore, getting all the dope from Mr. Moon up above. Going to the wrong pigeon. Perhaps it was a homing pigeon. Homing pigeons have been around since the great empires of Egypt and Rome. Caesar made use of them when he was conquering Gaul. In 1815, the people in England first heard about who won the Battle of Waterloo when a pigeon delivered the message. The Rothschild banking dynasty allegedly made its first fortune from the advanced knowledge of Napoleon's loss. Paul Julius Reuter, who founded the news service that has his name, used a fleet of over 45 pigeons to deliver news and stock prices. It pays to keep pigeons.